Prêt pour un peu de nouveauté? C'est la chanson coureur! Bonjour et bienvenue à la Chanson Coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à C'est Fou cette semaine. Mon nom est Mathieu Plante. Pour 3 heures de nouveautés, de choses qui vont vous intéresser, de choses qui peut-être ne vous intéresseront pas, de choses que vous allez détester. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui en lançant des choses sur les murs pour voir ce qui colle. En francophone, cette semaine, on a beaucoup de nouveautés. On va commencer par une formation qui se nomme Kaolin. L'album s'appelle Mélanger les couleurs et voici Beach Party tout de suite à la Chance au Coureur. Pour l'instant, danse, retourne-toi, allez, tourne, tourne, ne t'arrête pas, allez, partons vite, si tu veux bien, dès le jour. J'ai manqué d'air, je m'en souviens, toutes ces années sans toi, sans rien, même mes chansons se baladaient, le cœur lourd, évidemment. Tu l'aimes encore, ça crève les yeux, mon dans la scène émergente, c'est fou, 89. Oui, je me souviens, comme c'est ordinaire, un pays lointain, la France est mon frère, tu l'entends, un tout et plus rien. Deux pièces de Kaolin à la chance au coureur, on vient d'entendre Partons vite et Beach Party. Deux superbes pièces de cet album qui s'appelle Mélanger les couleurs. On va parler un petit peu de Kaolin, juste pour voir de quoi ça parle, ce groupe-là, en regardant leur petit document de presse. Peu importe la foi et fi des espérances, Dieu merci, la vie selon Kaolin ne s'embarrasse guère des préjugés. Indescriptible sans loi ni genre, si ce n'est le goût très sûr pour l'harmonie universelle, l'élégie galante et les plaisirs mélancoliques. À force d'observer depuis des lustres ces rares paradoxes, on pourrait écrire un livre sur l'habileté diabolique du quartet Montluçonnais. Son français, donc, dans le fond, les gars. Les premières tentatives discographiques de celles qui soulevaient déjà d'admirables voiles. Bref, un ouvrage biographique racontant à chaque page les durs écueils franchis avec une élégance et une facilité désarmante. Mélanger les couleurs, c'est sur l'étiquette « La compagnie Massawippi ». Jamais Kaolin ne s'est approché aussi près de Kaolin, dit le document de presse. Sur leur MySpace, au myspace.com/KaolinMusic ou Kaolin, j'ai aucune idée comment le prononcer en vrai. Donc, c'est un groupe d'alternatif indie de Montluçon en France. Leur site web est au KaolinMusic.com, KaolinMusic.com. Les membres sont Guillaume Cantillon à la voix et la basse, ainsi que la guitare. Olivier Valti à la batterie, Ludwig Martins à la guitare et la voix, et Julien Cantillon à la guitare et la voix. Vous pouvez aller voir encore une fois myspace.com/KaolinMusic pour écouter des pièces telles que Partons vite, Loin de l'île, Que tout se fasse et C'est la vie. On va entendre une troisième pièce de cette formation-là et ce sera suivi d'une autre formation francophone à la Chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à C'est fou cette semaine. J'aime tant te dire à l'oreille, je ne suis pas du genre qu'on m'emmerde. Regarde-moi bien, je reviens. Apprends si tous ces détours, je me suis perdu tous ces jours, mais je suis. On passe de Kaolin à la formation franco-pop psychédélique Chocolat tout de suite à la chance. Au coureur. Très bon! On continue avec une deuxième pièce de Chocolat. Voici Johnny Depp à la chance au courage. One, two, one, two, three. on est deux. Et voilà, c'était deux pièces de la formation Chocolat, Johnny Depp et Le Monde est vert ici à la Chance au coureur. Juste après la pause, une autre pièce de Chocolat et la formation Les Écorchés. Restez avec nous. Formation Chocolat avec la pièce Magali juste avant Johnny Depp et Le Monde est vert. Parlons un petit peu de ce chocolat absolument délicieux, un petit peu salé. Donc, selon le document de presse de Chocolat, ça dit « Nouveau projet franco-pop psychédélique de l'inimitable Jimmy Hunt. Chocolat s'apprête à servir au public un premier album issu d'un mélange inusité mais savoureux. Un hippie bonbon de 7 titres qui, lancé le 6 mars prochain sur Dry and Dead, étiquette de disque la moins importante du monde, label personnel de l'émérite Navet Confi et de son complice Alex Emetic, promet d'allécher une foule en mal de denrées musicales fraîches et craquantes. Enregistré et réalisé par Bob Olivier, que vous connaissez peut-être des Breastfeeders ou de Les Mods, distribué par Local Distribution et magnifiquement illustré par l'artiste montréalais Alex Emetic, le premier album de Chocolat plonge l'auditeur en plein cœur d'une épopée fantasque de guitares diffuses, mangeuses de biscuits au triste destin et nuitées dévergondées. D'accord. Misant sur des mélodies planantes aux effluves folk-rock et garage psychédélique, le groupe qui rassemble des membres des formations Demon's Claws et The Cockroaches va de l'avant avec une pop salie et croustillante qui, campée dans l'atmosphère rose ternie des rues crades de la métropole, brille par sa lucidité embrumée et sa délicieuse absurdité. C'est rempli d'adjectifs ce texte, hein? Belle recherche, j'aime ça. Dans la bouche du désinvolte Jimmy Hunt, les 7 titres du Quatuor se succèdent comme autant de récits comico-trachiques. évoquant au passage mille et une images, personnages étranges, scènes familières, réalités déformées et divagantes. Avec en toile de fond le son hypnotisant de l'orgue, les franches notes du piano et les cris déchirants de l'harmonica, les compositions originales de la formation éclaboussent et s'accrochent au tympan, se dégustent avec un plaisir absolument malin. Voilà, donc la formation s'appelle Chocolat. L'album est un hippie, c'est éponyme Chocolat. Ils vont faire un spectacle de lancement avec la formation Pas Chic Chic le samedi 10 mars à 21h au Divan Orange au 4234 rue Saint-Laurent à Montréal. Vous pouvez retrouver le site web de la formation sur dryanddead.com/chocolat ou encore sur le myspace.com/montrealchocolat. Faites bien attention d'écrire Montréal Chocolat et Montréal est sans accent. D'ailleurs, tant qu'à être ici en train de parler d'Internet comme ça, parlons du fait que La Chance au coureur et mes autres émissions ont maintenant un nouveau site web. C'est tellement excitant, j'avais hâte d'en parler. Allez voir sur le www.unechance.com, UNECHANCE, c'est évident, unechance.com. Vous allez retrouver là-dessus la balado-diffusion en MP3 de La Connexion, La Chance au coureur et les palmarès c'est fou, de même que les liens vers les sites des artistes que vous entendrez aujourd'hui même à La Chance au coureur. Donc, si jamais vous n'entendez pas ou vous n'avez pas la chance d'avoir un crayon près de vous pour écrire l'adresse, vous irez voir cet après-midi sur unechance.com. L'ai-je assez dit? Je crois que oui. Donc voilà qui fait le tour de la formation Chocolat. On va passer à une autre formation qui s'appelle Les Écorchés. On va se renseigner sur le groupe et en parler au retour, mais tout de suite, on écoute Shot sa gueule. Il y a d'autres chansons telles que La vie m'écœure, Naître d'un chacal, De la viande ses murs, c'est adorable. Voici tout de suite Shot sa gueule à La Chance au coureur. Shot sa gueule, shot sa gueule, tu viens de manger une shot sa gueule. Lorsqu'il te reste deux pièces de Les Écorchés. À la chanson courant, on vient d'entendre La vie, mes cœurs et Shot sa gueule. Les membres sont Pat Gordon, Marc Vaillancourt, Michel Langevin et Philippe Mius d'Entremont. On va parler un petit peu plus d'eux tantôt, mais avant, on va écouter une autre pièce de cette formation-là. Tout en vous disant, en vous introduisant au fait que la chanson coureur a maintenant une nouvelle rediffusion le samedi soir de 17h à 20h. Il va falloir être là pour ça. Donc, la chanson coureur est maintenant toujours en direct le vendredi de 10h à 13h et en rediffusion le samedi soir de 17h à 20h. Ce qui veut dire que cette semaine, vous avez trois chances d'écouter la chanson coureur. C'est absolument malade. Jeudi dernier, il y avait la rediffusion de la semaine passée. Là, il est en direct le vendredi et la rediffusion du samedi, ça arrête plus. C'est la confusion totale. Et tout ça pour dire que les palmarès, c'est fou. Eux déménagent et prennent l'ancienne case horaire de la chanson coureur les jeudis de 13h à 16h. C'est superbe. Ce qu'on s'en va entendre, c'est une autre pièce tout de suite de la formation Les Écorchés. On s'en va entendre La Blessure, qui est une reprise de Jacques Brel. Ici, la chanson coureur, je la cherche un peu, mais bon, en tout cas. Écoutez la chanson coureur sur C'est fou 89.1 FM, que vous aimez ça, hein? Avec moi. Je vais admettre mon erreur et mon ignorance par rapport à Jacques Brel. Voici la vraie pièce de Jacques Brel, une reprise. Vesoul! Ah, la chance, quoi? On sort cette roue! 89 ans, c'est FM. T'as plus aimé en fleurs, on a quitté en fleurs, t'as plus aimé en beau, on a quitté. brusquer mes petits chanceux. On vient d'entendre la formation Les Écorchés avec trois pièces de leur nouvel album qui s'appelle, ben, l'air de s'appeler Les Écorchés. On a entendu Shot sa aïeul, La vie m'écœure et puis Vesoul, comme ça, de cette formation absolument différente. Et je souhaite bonne chance pour les auditeurs du vendredi qui vont devoir continuer leur journée après avoir entendu ça, c'est vraiment difficile. Mais bon, quand même, Les Écorchés, un groupe de hardcore metal. L'album est sorti le 27 février, c'est ils viennent de Montréal. Ils sont au lesécorchés.com, écorchés avec un K, donc L-E-S-E-K-O-R, du coup, etc. Les membres sont Marc à la voix, Pat à la guitare acoustique, Phil au electric cello, et puis Away à la batterie. Voilà, vous pouvez aller voir myspace.com/lesécorchés pour entendre des pièces telles que De la viande, c'est les murs, La Poly, Naître d'un chacal, qu'on a entendu tantôt aussi, j'avais oublié, et puis Haine, voilà. Les Écorchés. On passe à une autre formation qui m'a l'air très intéressante, c'est Vers Lim, mais Vers, V-E-R-S, comme dans Des Vers de Terre. C'est un groupe expérimental indie rock, leur nouvel album s'appelle Capitaine Fleur, ils sont de Montréal. On parlera d'eux en détail tantôt, mais pour l'instant, voici une pièce qui se nomme « Continuer d'espérer ». Tout de suite à la chance, au coureur! Formation Vers Lim, mais on continue avec une autre pièce. Voici Immolez-moi, la chance au coureur. Hey, j'allume la TV, toi, pis c'est Ipsy en folie. Hey, Ipsy en folie. Y'a-tu quelqu'un qui se rappelle de ça? C'était le fun, cette émission-là. Y avait une petite madame qui couvrait les allées, qui prenait des bains, qui faisait des chariots, qui se battait avec des bâtons de popsicles. C'était super bon. verrais bien quelqu'un d'y voir. Peut-être même moi, parfois, je changerais de l'épicerie. Mais je peux penser d'être détruit. Je devrais pas être un confesse les lois du raisonnable. Pour moi, ce n'est pas très fiable. Devrais-je devenir convenable avant de t'enterrer dans le sang? Donnez-moi une bourse, un jeune. Vends-moi un vin tout seul. Donnez-moi une bourse, un jeune. Vends-moi un vin tout seul. Avec Immolez-moi, précédé de Continuer d'espérer. Ça vient de leur tout nouvel album Capitaine Fleur. Parlons un petit peu de Vers Lim. Je disais tantôt que c'était un groupe d'expérimental indie rock de Montréal. Ils sont au verslim.com, V-E-R-S-Lim.com. La biographie, tiens, que j'ai ici sur leur verslim.com, leur site web officiel, ça dit « Que voulez-vous entendre de l'habituel? » Dans ce cas, n'allez pas plus loin. Pour votre propre santé, il serait préférable que vous ne sachiez pas qu'un tel groupe existe. À l'image d'un moine tibétain hystérique ou bien d'un politicien honnête et crédible, la musique de Vers Lim se démarque par son audace, sa créativité et sa diversité. Il y a longtemps que les limites du raisonnable ont été franchies, il est parfois très bon et même thérapeutique de traverser les frontières de la logique et du convenable. Le groupe est composé de Patrice Martin à la batterie et d'Éric Charbonneau à la basse, ancien membre de Démence. Yann Hébert est au clavier, Benoît Gosselin à la guitare et Jeffrey ou Geoffroy Label à la voix, ancien membre de Kitsch & Co. Les membres de ces différents groupes qui ont récemment fusionné par pur délire vous offrent enfin quelques extraits du merveilleux monde de Vers Lim. Sur leverlim.com, vous pouvez télécharger Rivé à LCN, Continuer d'espérer, Encore dans le char et puis Shirley. Il y a aussi des dates de spectacle, surtout à Montréal. Vous pouvez aller voir ça. Donc voilà, Vers Lim, j'ai bien apprécié. Un petit groupe bien intéressant. On va aller entendre d'ailleurs une dernière pièce ou deux pour terminer cette première heure de La Chance au coureur. Restez avec nous parce que dans la deuxième heure, on va avoir plein de choses intéressantes. Si je regarde dans ma superbe pile de francophones, ce qui nous reste, c'est Richard Pellant. Et puis puis un album de rap de Cobna, peut-être une pièce de ça. Et puis il reste un paquet d'anglophones aussi. Regardons, tiens, regardez-moi ça, comment j'ai du matériel aujourd'hui. Du côté de l'alternative anglophone, le nouveau Block Party. Il va falloir rester là pour ça. Il va falloir rester là aussi pour le nouvel album de Arcade Fire. On va vous faire entendre tantôt. Mais tout de suite, on écoute une dernière pièce de Vers Lim. L'album s'appelle encore une fois Capitaine Fleur. Et voici la pièce Minuit Bistrot Kalimbo. À la chance, au coureur! Deuxième heure de la chanson courante, l'émission qui surfe sur les nouveautés musicales. Mon nom est toujours Mathieu Plante. Si vous avez raté la première heure avec nous, vous avez manqué des artistes tels que Chocolat, Les Écorchés, Kaolin et Verlim. Sa deuxième heure commence par Richard Pellant, un artiste pop-rock folk, qu'on s'en va entendre avec une pièce qui se nomme « Mon beau char rouge peinturé gris », mais c'est précédé de l'intro de l'album qui s'appelle « Dialogue, on en parle au retour ». Vous écoutez la chanson au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à C'est Fou cette semaine. Ça, c'est Fou 89.fm. J'aimerais trouver un endroit où t'aimer et où toi tu m'aimerais quand même, où tu m'aimes. Tu fais la pluie et le beau temps, tu fais les saisons qui reviennent dans la grandeur du firmament, où tu m'aimes. Où tu m'aimes. Où tu m'aimes. Même tu cites, même tu comme ça, lors de la cuite, même tu en bas, quand ça va vite, quand ça va pas, tu me fais perdre le pôle, tu fixes dans le rôle, tu nous fais perdre ton temps, et me fais perdre la drôle, je t'en prie, dis-moi vraiment, tu dis que tu te sens drôle et que tu m'aimes, comment tu m'aimes, comment tu m'aimes, m'aimes-tu tout le temps, quoi qu'il advienne. M'aimes-tu seulement autant que je t'aime? Comment tu m'aimes? Tu fais le vent et le couchant, je suis le tien, tu es la mienne. Dire qu'il faut pas qu'on se perde là-dedans, dire qu'il faut pas qu'on s'appartienne. Comment tu m'aimes, à la va-vite. Comme si, comme ça, juste une petite bite. Comme un autre gars, quand ça t'excite, quand tu veux pas. Les questions que je te pose te font parler d'autre chose. Cela me fait mal au cœur, quand tu as la tête ailleurs. Il n'y a personne d'autre que toi qui me fait cet effet-là. Comment tu m'aimes, comment tu m'aimes. Quand tu m'aimes, quand tu m'aimes. M'aimes-tu tout le temps, toute la semaine. Les grands moments et la déveine. Quand tu m'aimes, il y a bien longtemps qu'on est amants. On a les mains qui se comprennent. Nos corps se parlent en se touchant. Pourquoi les mettre en quarantaine? Tu me fais perdre le pôle, tu fixes nous le rôle. Tu nous fais perdre ton temps et me fais perdre la gaule. Je t'en prie, dis-moi comment. Tu dis que tu te sens drôle et que tu m'aimes. Où tu m'aimes, quand tu m'aimes, quand tu m'aimes. Même tout de suite, moi je t'aime déjà. Moi je t'aime dans le beat, dans l'Irvana. Je t'aime full kit, je t'aime comme ça. Tu me fais perdre le pôle, tu fixes nous le rôle. Tu nous fais perdre ton temps et me fais perdre la gaule. Je t'en prie, dis-moi comment. Tu dis que tu te sens drôle. Où tu m'aimes, que tu m'aimes, où tu m'aimes, où tu m'aimes, où tu m'aimes, où tu m'aimes. Saviez-vous que Richard Pellant a un lien avec Éric Lapointe? Vous apprendrez quel est ce lien après cette pièce. Comme ça, à la chance au coureur. Comme j'aime quand le samedi soir, je t'appelle puis tu dis allô. Qu'on serait dû pour se voir, que ça serait trop beau. Qu'on ait le temps de rien faire, de jeter le mauvais sang. Allô, allô. Entre toi et puis moi, c'est fait comme ça. Jamais de temps pour l'embarras. Je voudrais juste voir tout rester comme ça. Ces derniers temps, travaillait trop. Qu'est-ce qu'on disait dans du monde pressé? Dans un étau, j'ai eu la chance de me rappeler que j'avais ton numéro. Moi, c'est fait comme ça. J'avais le temps pour l'embarras. Je voulais juste voir tout rester comme ça. J'aime quand le samedi soir, je t'appelle puis tu dis allons. C'est drôle, qu'est-ce que ça peut faire dans nos cerveaux? On est le temps de rien faire, de jeter le mauvais sang. Allô, allô. Entre toi et moi, c'est fait comme ça. J'avais le temps pour l'embarras. Juste voir tout rester comme ça. Entre toi et puis moi, c'est fait comme ça. Entre toi et puis moi, c'est fait comme ça. Entre vous et moi, mes petits chanceux, c'est fait comme ça. Richard Pelland, l'album s'appelle Finance, Fiction et autres réalités. Le nouvel album de Richard Pelland, Variation Rock sur poème urbain dit de documents de presse. Il a fait les premières parties de Paul Piché, Éric Lapointe, qui était le lien qu'on cherchait tantôt, Daniel Boucher et Mononcle Serge. Il a prêté sa chanson Mon chien est mort à Martin Deschamps, qui l'a rendu célèbre dans toute la province. Il a participé à la tournée et à l'album Boombox de Boom Desjardins. Vous voyez que jusque-là, ça va pas très bien. Il a signé des pièces pour La Chicane et plus récemment pour Annie Villeneuve, vraiment. Mais depuis quelques mois, c'est pour lui seul que Richard Pelland écrit et compose. Donc, il n'y a pas que des mauvais côtés. Son nouvel album solo sort cette semaine dans les bacs et regroupe sous le titre de, Finance Fiction, 12 morceaux de très bon rock réalité, selon le communiqué de presse. Pour ce deuxième album, Richard Pelland s'est entouré de musiciens chevronnés et réputés, parmi lesquels Yannick Boivin, le batteur de Yellow Molo, et Frédéric Beauséjour de La Volée de Castor, qui a longtemps collaboré avec Robert Charlebois, Lassa, Martin Deschamps et Daniel Boucher. Les arrangements de plusieurs chansons portent la signature de David Brunet, qui travaille avec Vincent Vallière et Yann Perrault. Enfin, Jean-François Forget et David Brodeur de Bouca Audio ont prêté main forte à Richard pour la réalisation très soignée de l'album. Par rapport à la pièce maintenant, ça nous dit « Si le stress de la semaine déborde sur vos week-ends, si vos soirées sont toutes bookées jusqu'en novembre prochain et si chaque samedi soir ressemble à une course à la performance, arrêtez-vous 2 minutes. 2 minutes et 46 secondes exactement, le temps d'écouter Comme ça. » Le premier extrait du deuxième album qu'on vient d'entendre. Une mélodie enveloppante, des airs pop-rock accrocheurs et des mots justes pour redonner du temps au temps, redécouvrir le bonheur de ne rien faire. Voilà, c'est Richard Pelland. L'album, encore une fois, s'appelle Finance, Fiction et autres réalités. Si vous voulez aller voir le site de Richard Pelland et plus d'informations là-dessus, allez voir myspace.com/Richard Pelland ou encore le www.richardpelland.com. Les liens seront bien sûr sur le unechance.com d'ici la fin de l'après-midi, www.unechance.com. J'avais promis un petit peu de Comna tantôt, en fait, je l'avais pas promis, j'avais dit que peut-être qu'on passerait une pièce de Comna, qui est un artiste de rap francophone. On va l'entendre, la pièce titre de son album « Garde un œil ouvert ». La seule différence entre le titre de l'album et le titre de la pièce, c'est que l'album s'appelle « Garde un UN œil ouvert », tandis que la pièce s'appelle « Garde un chiffre œil ouvert ». Tout de suite, à la chanson coureur. Du rap à la chanson coureur, ça arrive pas souvent, hein? Profitez-en, hein? Test de voix, 1, 2, 1, 3, je suis l'un d'eux. Je t'avais prévenu, t'entendrais parler de moi d'ici peu. Jeune dissipé, paraît que j'ai des disciples. Un phénomène que l'industrie au Québec anticipe peu. Pas là pour devenir femme, ni les femmes, faut dire les vraies choses. Dans mon secteur, c'est drame, t'en ferais une overdose. J'ai besoin de cash, mon rap c'est ma cause. Que je dis à ma famille quand elle me demande pourquoi je pose. Spectaculaire, extraordinaire, mais la dose. Mes textes ont mûri, les MC ont atteint la ménopause. En plus on pose, rembobine, la discussion est close. Yep, je le dis une deuxième fois, la discussion est close. Explose, récemment mon talent s'expose. Pas assez de choupoir comme les expos et les excoses. Le C, le O, le B, le N, le A. Certains connaissent déjà que les autres apprennent le pas. Tu sais pas à quoi t'attendre, car c'est dans l'ombre que l'on opère. La lumière pourrait te surprendre. L'état sel, qu'elle aime la mèche. Dans ma chaussée, dans vos détentes, car la lampe n'a pas sonné. Mon conseil, ne pas se méprendre, garde un œil ouvert. Simule les rixes, veulent ta peau, mon micro est un gangster. Garde un œil ouvert, garde un œil ouvert, garde un œil ouvert. Paragraphe, toujours en forme, j'ai les tops. J't'avais dit de faire gaffe, j'ai une bombe pour chaque strophe. T'as une seconde, le temps d'une pof, c'est la maison qui offre. Dans tes tampons, l'équivalent d'un cocktail molotov. En catastrophe, King, graciosité. L'ambiance a changé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Peux-tu m'expliquer? Le hip-hop est désorienté. Les jeunes confondent rappeurs et gangsters. Il est à noter dans le kit du MC, le gun n'est pas élémentaire. Pour vendre des tiges, j'me ferai pas tirer 9 fois. J'reste près du sol, on peut pas tomber plus bas. Comme là, le nom est là, le gars aussi, tu connais pas. La clique est là, ça vient d'ici, 13ème étage. Une accélération que t'avais pas prévu. Te mets en transe, moi j'avais prévu. Garde un œil ouvert, que ça vient de la rue. Garde un œil ouvert, garde un œil ouvert, garde un œil ouvert, garde un œil ouvert. C'est pas à quoi t'attendre, car c'est dans l'ombre que l'on opère. La lumière pourrait te surprendre. L'étincelle qui allume la mèche, t'en vas choisir dans vos détentes, car la lampe n'a pas sonné. Conseil de pas se méprendre, garde un œil ouvert. Si mes lyrics veulent ta peau, mon micro est un gangster. Garde un œil ouvert, garde un œil ouvert, garde un œil ouvert, garde un œil ouvert. C'est sport international, passe de la zone locale à mondiale. C'est Montréal sur la carte, tout le Québec sur la carte. Les jeunes d'ici qui représentent 5 à 4, où je crèche de mon arc sur une flèche et ne te rate pas. Réfléchis avant d'agir, frappe dans la mire. C'est mieux prévenir que guérir, et à l'avenir tu sauras pourquoi je rappe. Lendemain pour que tu comprennes, retiennes, souviennes. Voir jusque dans l'essence européenne. Comme là, le mot veut rien dire, c'est juste moi. Sur la scène, c'est du 13 à pour ça. C'est juste moi, c'est juste moi, c'est juste moi. Mais garde un œil ouvert. C'est quand tu t'y attends pas qu'on opère, c'est vrai. La lumière pourrait te surprendre comme un flash ou un éclair. Garde un œil ouvert. Garde un œil ouvert. Garde un œil ouvert. Garde un œil ouvert. Garde un œil ouvert. C'est pas à quoi t'attendre, car c'est dans l'ombre que l'on opère. La lumière pourrait te surprendre. On est. L'étincelle qui allume la mèche, t'en vas choisir dans vos détentes, car la lampe n'a pas sonné. Mon conseil, ne pas se méprendre, garde un œil ouvert. Si mes lyrics veulent ta peau, mon micro est un gangster. Garde un œil ouvert, garde un œil ouvert, garde un œil ouvert, garde un œil ouvert. Garde un œil ouvert. Subcast, Moussaï, Esprit. Garde quoi donc? Peux-tu répéter un peu? Avec la pièce titre de Garde un œil ouvert à la chance au coureur. Parlons un petit peu de cet homme. Le rappeur d'origine montréalaise Kobna lance son album Garde un œil ouvert. Loin du dirty rap et de la vulgarité, Kobna, également membre du 13e étage aux côtés de Sans Pression, Spu et de Cast, propose un hip-hop accessible et mature pour ce premier essai solo. Par une poésie touchante au rythme sans faille, le rappeur aux influences françaises déverse son flow assumé tout au long des 15 titres de l'album. Donc c'est le communiqué de presse évidemment qu'on a reçu. Le chanteur a fait ses débuts au sein du collectif français 6e Continent. Aujourd'hui, Raphaël Passaro, Kobna, s'implique dans la scène hip-hop québécoise. Il a assuré les premières parties des spectacles de Nelly De La Soul, Nelly Furtado, Funky Family, M.O.P., La Garde, Freeman, et etc., etc., etc. Et les psy 4 de la ring. Wow. Voilà, pour plus d'infos, allez voir myspace.com/Kobna. Kobna, C-O-B-N-A. Passons du rap à une formation qui se nomme The Junction. En fait, ils viennent de Brampton, en Ontario. C'est un groupe canadien. Vous pouvez aller les voir sur myspace.com/The Junction ou encore sur leur site thejunction.ca. Les membres sont Brent Jackson à la guitare et la voix, Matthew Jameson à la basse et Michael Taylor à la batterie. Vous pouvez aller télécharger, non seulement, pardon, écouter, voilà, écouter des pièces Components of Four et I Am Aware. On va justement aller entendre la pièce Components of Four tout de suite à la chance au coureur et on en parle plus tard. The Junction sur C'est Fou 89.5. If you can love over me, The Junction avec Frequencies. Petit conseil pour les groupes, si vous tenez à ne pas écrire les numéros des pièces sur votre album, arrangez-vous donc pour pas appeler une de vos pièces trois petits points. Hein? Ça fait qu'on compte mal en ce temps-là. Je fais un petit conseil de même. Vous êtes pas obligé de le suivre. Hein, t'sais. Pièce de The Junction au retour de la pause, et puis plus tard, les nouveaux albums de Arcade Fire et Block Party à la chance au coureur. Yeah. trois pièces du nouvel album de la formation canadienne The Junction. À la chance au coureur, on vient d'entendre Station Me juste avant la pause. On avait entendu I'm Aware and Writing from the Heart. Et avant ça, c'était Frequencies. Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est un groupe de rock indie pop de Brampton en Ontario. Voilà qui fait le tour pour la formation The Junction. Je crois que c'est à ne pas confondre avec la formation américaine du même nom, mais je suis pas certain là-dessus. Prochain album qu'on s'en va entendre tous ensemble, on est très très heureux de l'avoir reçu. C'est le nouveau Block Party, A Weekend in the City, le groupe du Royaume-Uni. Fait dans l'alternative indie rock. Leur site web est évidemment sur blockparty.com. Les membres sont Kili Okereke à la guitare et la voix, Russell Lissack à la guitare, Gordon Mokes à la bass et Matt Tong à la batterie. On s'en va entendre la pièce Song for Clay et puis ensuite on entendra d'autres pièces dont I Still Remember et The Prayer. Mais tout de suite, voici Song for Clay Disappear Here à la chance au coureur sur C'est Fou 89.1 FM. nouvel album de Block Party. Avant de continuer avec une autre pièce de leur album, petite correction par rapport à The Junction. Tantôt, j'ai cherché comme un gentil garçon et en fin du compte, c'est le même groupe que je pensais. C'est eux qui avaient sorti And With This Comes Tomorrow avec l'extrait Simple Man en 2004. Leur nouvel album est vient tout juste de sortir. On continue avec une autre pièce de Block Party. Voici The Prayer. À la chance, au coureur. Tapons tous des mains ensemble et ton petit cœur. Lord, give me grace in dancing feet and the power to impress. Lord, give me grace in dancing feet. Let me outshine the moon. Is it so wrong to crave recognition? Second best, what earned are? Is it so right to want a warning? To want more than is given to you? Than is given to you? Thank you. just like a falling. Blood beats faster in our veins. We left our trousers by the canal, and our fingers had almost touched. The sea asked me for love, I would have been brave. You should have asked me for love. Album de Block Party, A Weekend in the City. C'était I Still Remember, précédé de The Prayer et puis de Song for Clay Disappear Here au début du bloc. Excellent Block Party, je crois qu'ils viennent de se gagner un fan chez moi. Block Party, alternative indie rock de London and Southeast au Royaume-Uni. Vous pouvez aller voir le blockparty.com et ou encore le myspace.com/blockparty et vous allez pouvoir entendre toutes les pièces qu'on a jouées aujourd'hui sur leur MySpace. Excellent, excellent, excellent. Prochain groupe qu'on s'en va entendre, c'est Arcade Fire. Vous les connaissez certainement, ils sont de Montréal. Leur nouvel album s'appelle Neon Bible qui va être en magasin le 6 mars prochain. C'est un groupe de indie alternative pop. Et comme vous avez vu, la demi-heure au complet a été passée sur ces deux groupes-là. Donc, très, très bonne musique. Aujourd'hui, on vous gâte ma bande de chanceux. C'est ça, j'aime ça vous appeler de même, mes chanceux. C'est cute. Donc, tout de suite, voici Arcade Fire et la pièce Keep the Car Running à la chance au coureur. Arcade Fire. Surévalué? Sous-évalué? Ça dépend. formation canadienne montréalaise Arcade Fire avec deux pièces de leur nouvel album Black Mirror et Keep the Car Running. L'album s'appelle Neon Bible. On va entendre la pièce titre dans quelques secondes, mais avant, on veut aller le plus vite possible pour avoir le temps d'entendre cette troisième pièce, Arcade Fire. Allez voir le arcadefire.com ou encore myspace.com/arcadefire. Vous allez pouvoir télécharger des pièces et les écouter sur ce site-là. On va entendre la pièce titre dans quelques secondes. Aussi, je voulais vous dire que Arcade Fire et puis Block Party sont deux groupes tellement bons avec des noms tellement connus et populaires que c'est certains qui vont certainement retrouver sur le palmarès de C'est fou un moment donné dans la vie comme ça. Et je voulais vous dire aussi que La Chance au coureur est maintenant diffusée en direct le vendredi de 10h à 13h en rediffusion. Nouveau jour, nouvelle heure, samedi soir à 17h. Tandis que les palmarès C'est fou déménagent vendredi soir à 17h et jeudi à 13h. Tout de suite, Neon Bible d'Arc et Fire. À La Chance au coureur. The fin. Oh, et ça va être la fin de la deuxième heure. Je dis ça de même, mais restez là. Father hope and father pain. In the light they both look the same. Pour them out on into the world. On every boy and every girl. Much chance for survival if the neon bulb is right. Take the poison of the rage. Don't lick your face when you turn the page. What I know is what you know is right. In the city, the city where it lies. Neon bulb, not much chance for survival. Vous êtes tellement fin, je disais ça de même. Là. On a le temps pour une quatrième pièce. Voici un petit bout de Intervention. Et les auditeurs du vendredi s'en vont entendre les nouvelles. Renseignez-vous, hein? Soyez éduqués. Les auditeurs du samedi, ben, vous êtes fin pareil. C'est ça. J'ai dit trop souvent que vous étiez fin, hein? Mais tu sais, je le pense quand même. Unechance.com. Soldier in your mind, still nothing's on the line. Bon, retour, c'est la troisième heure de La Chance au coureur, émission qui surfe sur les nouveautés musicales. On a toujours Mathieu Plante en compagnie maintenant pour cette troisième heure de Sire Danny Janvier. Allô? Allô, oui, ça va bien? Oui, ça va bien. Qu'on est bien aujourd'hui. Oui. On est bien oui. Dans son bain. On est bien, on est bien. On est quand même ordinaire. Bien. On accueille... Non, c'est ça, faut pas en mettre trop. On n'est pas sur la rue des Suissons non plus. Mais c'est ça, on n'est pas à TVA quand même. C'est ça, on n'est pas à Caféine, à Guy de Roy non plus. Donc, ben, ça c'est pour... bon, moi je trouve. T'as dit ça. Je l'aime, je dis non. Bon, ben il faut bien que quelqu'un l'aime. Ben oui, c'est ça. Mais j'aime bien Anouk. Ah, les filles à météo. La météo. Ben oui. Mais toutes les filles de météo, c'est toujours des belles filles. Ouais, c'est rare. À part à Radio-Canada, on s'entend. Hein. Ah, c'est une petite grosse. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est, ouais. En tout cas. Donc, j'allais dire, accueillons nos nouveaux auditeurs du samedi soir, si vous venez d'arriver, parce que maintenant, la rediffusion de La Chance au coureur se situe le vendredi, le samedi soir de 17h à 20h, tandis que notre diffusion originale reste le vendredi à 10h. Les palmarès ont changé de place avec La Chance au coureur. Si vous voulez toutes les informations, allez voir. Je suis mêlé, là. T'es pas là souvent. Non, c'est ça, je comprends rien de ce que t'expliques. Veux-tu quelque chose d'autre de nouveau? Vas-y. Le nouveau site web de La Chance au coureur est au... Oh, je pensais que t'avais dit que t'étais une femme. Je suis une femme, Dan. www.unechance.com Dépendant. Encore, www.unechance.com pour les liens, pour la balado-diffusion, tout est là. Et encore une fois, vendredi 10h, samedi 17h, ça fait le tour de ça. C'est l'heure de passer à la chronique Poustachon. Non! Cette semaine, la chronique Pousse la chance, c'est-à-dire le bloc où on passe des choses une fois et puis on regarde si c'est bon puis on la laisse pas grand-chance dans le comme fond. Comme d'habitude. C'est comme tout le temps. Là, c'est un mot code qui veut dire tellement de choses. Voici Kev de l'album The Painter and the Artist, la pièce Everyday à la chance. Au pelleteur. Oh, c'est beau ça. Il faudrait qu'il pelle. Contrairement à ça, par exemple, c'est moins beau. C'est Noël. Oui, Noël, monsieur. Ah, bonne année, grand-mère. Hey Mathieu, il est monté sur la table aussi. C'est hallucinant. Ce qu'on est en train d'écouter, c'est Kev, The Painter and the Artist, avec la pièce Everyday. Ça vient avec un sachet de vaseline. Oh. Regarde dans la pochette, il y a un petit sachet de vaseline. Ah, ben, il y a donc ça. Ah, oui, regarde. C'est bien. Ah, bien, oui. C'est spécial, c'est autre chose. Hein. C'est pour ça qu'on appelle ça Pousse ta chance. Hein. Ça veut pas dire grand chose, mais. Pousse ta chance. Pousse ta chance. C'est bon, il faudrait faire la pièce Pousse ta chance. Il faudrait que ça soit toi qui chante. Okay. Je vais refaire le remix. Pousse ta chance. Ouais. Le bloc des têteux. Tout de suite, The Reason Things Couldn't Get A Beat. Encore lui? Non, c'est un autre. Ok, parce que tu te mets la pochette, tu me fais peur. Ah, t'as raison, t'es vrai. On change. Tu sais, les gens à la maison qui nous regardent, eux autres aussi, ils pensaient que c'était pas être le même artiste. Je sais bien. Ceux qui ont une radio nouveau style. Digital. Digital numérique. Oh, ouais, c'est ça. Crystal Kid. The Reason et le groupe. Voici All I Ever Wanted de leur album Things Couldn't Be Better à la chance. Oh, chose là-bas. Ah ouais, lui, coureur. Oui, c'est ça. It could be so right. seule radio musicale. Avec My Broken Legs, juste avant, c'était All I Ever Wanted ici à la Chance au Courant, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues assez fou depuis les 7 derniers jours. Oui. Danny Janvier, Mathieu Plante. Aujourd'hui, ils ont tombé du ciel. Oh! Oui. Comme de la neige au soleil. Un nuage de CD. C'est ça. Un CD Nimbus. C'est le nom du nuage. C'est des nimbus. C'est des nimbus. OK. Voilà, donc on a passé à travers le bloc Pousse ta chance. Ça a bien été. On a donné deux pièces à The Reason. L'album s'appelle Things Couldn't Be Better. Et puis juste avant, Kev avec The Painter. The oui, mais il faudrait pas ambitionner. Celui-là, non. Alors, quand même. C'est bon, mais si on en met trop, c'est curieux. C'est comme la pizza tous les jours. Ouais. Ben, je dirais peut-être pas non pendant un petit bout. Ouais, ben, une semaine, peut-être. Ouais, peut-être. Un mois, peut-être. Après, t'en plus pendant deux ans. On passe à The Nine, et le nom du groupe, The Nine, Yann spécial. L'album s'appelle Luxury, on va écouter la pièce Burn Construction, et puis on parle de ce groupe-là au retour. Peut-être. On n'est pas sûr. C'est exact. La chanson courage. C'est ça. Sur C'est fou. 89. 1. FFFM. Allez. Unechance.com. Discretion disguised as a drug. It's not hard to imagine where all this will lead. It bubbles up in my face again and again. I was as old as a concept of flame, but I'm dressed like a song. I couldn't help myself watching it. The Nine, l'album s'appelle Luxury, Burn Construction et la pièce. On aura la chance d'entendre plein d'autres pièces de The Nine dans la. Bon, ça. Très bon. Ouais, ouais. Très fort. dans la dernière demi-heure de la chance au coureur, juste après la pause. Restez avec nous. Ça doit faire la cinquième tonne qu'on va mettre, quatrième? Deuxième. Oui. Tantôt, tu l'avais mis, tu The Nine, c'était pas la même pièce. Non, c'était deux pièces de The Nine. On entend. Mais tu en as mis deux à date. Oui, ça, c'était la deuxième. Bon, OK. Ça, c'était Achilles Last Tape Solo. Avant, c'était Burn Construction. Tu disais que c'était bon, mais là, en disant que ça fait comme cinq pièces, c'est comme si ça fait, c'était trop long, ça passait pas vite. Non, mais j'étais sûr que... En tout cas... Ah, le gars. Donc, on va l'entendre une autre pièce, mais avant, parlons un petit peu de The Nine. Oui, Ashtwing, comme on dit. Ouais. Luxury, c'est le nom de l'album. Hein? Donc, c'est ça ici. Voilà, The Nine. De Durham, en Caroline du Nord. Et puis, c'est un groupe de pop-rock expérimental. Et ils sont au TheNine.com, T-H-E-L-E-I-N.com. Robert Biggers, Josh Carpenter, Finn Cohen, Dale Flatham et Chuck Johnson. Et avant après ce qu'on va entendre, tu mélanges un peu. Tantôt ce qu'on va entendre, ça va être The Color, ça a l'air intéressant ça aussi, avec de la terre dessus. Mais tout de suite, voici Attitude and Mirrors de The Nine. À la chance! Au coureur. Je m'en avais dit de quoi être drôle. Ah oui? Ah, c'est fun. Genre quoi? Ça veut dire, c'est tellement long. J'ai eu le temps de lire le mot de genre campus. Pour ça, je pensais qu'il y avait 5 tonnes que j'ai. Après, c'est bien dire que c'est bon, cette affaire-là, il me semble. Ben, c'était bon, les sons étaient bons, tout cas, c'est différent. OK. Et tout ça, puis une formule. Ça, là, c'est encore le même groupe, OK? The Nine. La cinquième tune. C'est ça. You walk right into it. accidental absence, not securely underneath the skin. And I had the time, it was too familiar. If it's gonna happen, I hope it comes with more than just a sneer. If it's gonna happen, I hope it comes with more than just a sneer. If it's gonna happen, I hope it comes with attitude. Qu'est-ce que tu vas aller entendre, David? La 17e tour. De demain? Ok, ben à la place, pour compenser, je vais te donner The Caller avec l'album Between Earth and Sky. Voici Can't You Hear It Call? Super. Ça fait sur la fin? C'est cool. Ça. The Cutter avec une pièce qui se nomme Can't You Hear It Call de leur nouvel album Between Earth and Sky. Jusqu'à maintenant, Danny, on a de la chance. Ah oui, c'est très bon. Que du bon stock, ou presque. Ou hein? Presque. Ou presque. On peut penser à quelques exceptions, on les nommera pas. Mais on y pense. C'est ça, on n'arrêtera pas de penser. On va entendre une autre pièce de ce groupe, mais avant, parlons un petit peu d'eux. C'est un groupe de rock soul de Los Angeles en Californie. Leur album Between Earth and Sky est en magasin maintenant. Ils se retrouvent sur The Color avec l'épellation britannique ou canadienne avec le U, thecolour.tv, si vous le voulez, donc .tv, allez là-dessus. Vous pouvez aussi entendre sur leur myspace.com/thecolor les pièces Save Yourself et quelques autres. Juste avant ça, on n'a pas parlé tantôt de The Nine. C'est du pop-rock expérimental de Durham en Caroline du Nord. TheNine.com est leur site. Et The Reason, qu'on a entendu, c'est un groupe de rock emo de Hamilton en Ontario. Leur site est sur TheReason.ca ou myspace.com/TheReasonRock. Tu sais, comme on est des grands fanatiques de sites qui mettent rock dans leur nom. Ben ouais, c'est rock. Tu sais, si tu mets pas ça, t'es pas rock. Ben selon Mario Rock... Non, Mario... selon Poudy, c'est le contraire. OK. Si tu mets rock dans ton nom, ça se rock pas. Mais non, mais c'est ça, c'est sûr. Moi, j'ai commencé à m'appeler Mathieu Cool. T'sais. Mathieu Cool, là, c'est parce que t'es pas cool. C'est ça, pas cool. Être cool. Mais oui, ça fait fake. Comme le chien des Simpsons, lui, qui s'appelle. Là. Le petit reine. Spooky, Spooky. Spooky. Ben oui, tu sais, maintenant, ils disent ça prend un chien cool. Ah oui, ah oui, je me rappelle. Pucci, Scratchy, Pucci. Ben, c'est le chien le plus cool, tu sais, il a une casquette cool. Des pantalons slack, puis il fait du skate. C'est trop cool. C'est le chien cool. Ça devient plus cool. OK, donc, vous écoutez la chance au coureur, on découvre les nouveautés musicales. Et on salue Pucci. Salut Pucci. On surfe sur la vague de la nouveauté musicale pendant encore un petit 15 minutes. On accueille encore une fois nos auditeurs du samedi. Oubliez-la pas, la rediffusion samedi soir à 17h, on ne dira jamais assez. Il faut que tu reprennes, mais c'est un gros 15 minutes. Un gros 15 minutes. 17 minutes? Tu veux que je sois précis, toi? Ben là, un petit 15 minutes, ça serait 13. OK. Un gros, c'est 17. C'est, hey, hier, ça peut passer. Parlons un peu. Hier, j'étais allé chez Subway, oh. OK? Oh, ça, puis t'en restes. Subway manger frais, là. Il y a une pancarte qui précise que tout garni, OK? Tout garni, là. Hein? On s'entend sur tout ça garni. Ça rentre pas dans ça le veut pain. Dire, non, ça veut dire tout ouais. Sauf les piments forts. Mais c'est pas tout garni, d'abord. C'est mon éditorial de la semaine. Je trouve ça vraiment calme. Si tu dis tout presque garni, c'est tout. Garni. Comment? Tu sais? C'est presque tout garni. Si tu veux tout garni avec du piment, faut que tu demandes tout garni plus des piments. Bon, salut les membres de Subway. Bon, c'est dit. The Color. Devil's got a hold on me tout de suite. La chance. Au Subway. Oh, manger frais. Cold, it's cold, it's so damn cold. Adam, t'irais-tu faire du ski aujourd'hui, toi? Ben, c'est la journée. Avec le vent? Ben, c'est mieux que l'hiver que l'été. C'est vrai, ça? Non, ben, je sais pas. Je sais pas. Ouais. C'est là qu'Anaël est parti. Ah, c'est ça, tu t'ennuyais. Ben, c'est ça. Fallait bien dire qu'Anaël est pas là parce qu'il est parti faire du ski. Ben, une journée après, il manquera pas de neige. Non, vraiment pas. Et de débattre, j'imagine, dans son cas. C'est une habitude à ski. Non, bien les îles Maurice. C'est ça. On nous annonce qu'on est en période d'élection. Personne le sait, j'en suis sûr. C'est pertinent, ce commentaire. Ben, t'arrêtes-tu, c'est vraiment bon, comme ça. Voici The Slip avec Children of December de leur album Eisenhower à la chance. Coureur. Yeah. Children of December de leur album Eisenhower, une formation de roots western swing ghetto tech de Montréal, Québec et de Boston, Massachusetts, aux États-Unis. Allez voir TheSlip.com. Mark Friedman, Brad Barr et Andrew Barr sont les membres du groupe. MySpace.com/TheSlip Music. Toutes les informations sont sur unechance.com et on termine la troisième et dernière heure de la chanson coureur par Hot Shot Robots. Ouais, les robots, c'est gagnant. Quand t'as des robots, tu sais, ça nous fait. Surtout aujourd'hui, en l'an 2000. En 1996. C'est ça. Avec la pièce Dogs, tout de suite. Sur la chance. Au coureur. Ça commence bien, t'sais. Belle voix, d'ailleurs. Hot Shot Robots, l'album s'appelle Eat My Heart, la pièce s'appelle Dogs. Et puis, c'est pas mal tout le temps qu'on a pour la chance au coureur cette semaine. Ça tombe mal comme ça quand on est en plein milieu d'une pièce, mais que voulez-vous? Donc, voilà, Danny Janvier. Oui, oui, oui, c'est merci moi. Merci d'avoir été là. Qu'est-ce que j'ai fait? Quoi? Danny Janvier, on te retrouve à E3 2.0. Oui. Mercredi, 15h. Je sais. Bonne semaine. Bonne semaine à toi. Bye bye. Moi, je vous retrouve à la connexion jeudi midi ou mardi midi. La chanson coureur est diffusée en direct le vendredi à 10h et maintenant rediffusion Nouveau Jour, Nouvelle Heure samedi 17h. Et les palmarès, c'est fou, vendredi soir à 17h, rediffusion Nouveau Jour, Nouvelle Heure jeudi 13h. Hein? Est-ce que je l'ai eu? Je l'ai eu. Unechance.com pour les informations, pour voir tous les artistes, les liens vers leur site web, la balado diffusion en MP3. Tout est là, unechance.com. On pourrait mettre le message. CRTC à downloader pour les gens qui s'ennuient. C'est vrai, ça vous manque, là, on vous donnera ça. Courriel et moi, comme j'aime bien. Danny Janvier, merci de la part de Anna Eliès, qui sera de retour la semaine prochaine, de Danny Janvier, de moi, Mathieu Plante. Faites attention à vos genoux, bonne journée et bonne chance.